Ok. Scribe. Ok. Le temps passe à une telle vitesse, ça je te l'apprends pas. Les jours deviennent des heures et les années deviennent des mois. Les heures deviennent des minutes. Les petits gamins que je croise ont tous grandi, tous pris de l'âge et au final c'est plus des minus. Les petits gus ont pété les plombs, ont voulu faire comme les grands. Ils sont devenus cinglés, ils insultent même leurs parents. Y'a plus de respect entre eux, c'est le bordel total. Cherche un gosse réglo à l'ancienne, t'auras beaucoup de mal. À l'époque, y'avait pas de gamins hyperactifs, tu faisais un caprice, tu te ramassais une paire de claques en pleine miche. Tu fermais ta gueule, t'avais que ça à faire, de façon c'était une autre éducation, une autre façon de faire les choses en ayant de l'avance sur son temps. T'amènera nulle part à part gâcher ton enfance. Même si le temps passe vite, t'as le temps de voir certaines choses. Brûle pas les étapes et profite de ta vie de môme. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères t'as le temps de les voir. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères t'as le temps de les voir. Les ont pété un câble et s'habillent comme des traînées. Elles veulent traîner avec des pauvres types qu'ont la majorité. Peut-être que ça fait mieux, peut-être que ça fait plus classe. Ces pauvres types n'ont que des gosses de 15 piges sur leur tableau. Chasse. Elles ont l'apparence d'être aînées, elles rêvent d'être aimées. Le prince charmant pour elles est juste un type avec le permis B. Ça porte le string à 10 piges, boîte de nuit à 12. Qu'elles viennent pas se plaindre, non. Au milieu d'un viol qui part en partout. Ça fume à 13 printemps, des cigarettes pour les meufs. Des pétards qui font rire pour les petits refs. Ça part en couille dans leur crâne, putain de crise d'ado. Ça respecte plus rien à part leur biwis ou piaggio. Ça cherche à s'affirmer, ça n'arrive qu'à frimer. Mais au final ça mène à rien à part s'afficher. Les parents pètent des boulons, engueulades à la maison. Incompréhension, c'est un conflit de génération. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères t'as le temps de les voir. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères t'as le temps de les voir. Cherche pas une morale dans ce que je raconte. Les temps changent et c'est les vieux qui passent pour des cons. Les petits mômes ont pété une durite. Ils sont sur leur planète, ils ont grandi trop vite. Les parents ont changé de méthode. Ils veulent pas faire vivre à leurs gosses leur galère de l'époque. Mais les gamins ont viré de bord. T'as beau leur expliquer une chose, au final t'auras toujours tort. Et c'est la même à chaque fois. Ils savent tout sur tout. Ça me fait marrer quand tu te dis qu'ils ont grandi avec Pikachu. Tu parles d'une référence. Pour eux les adultes sont plus des références. C'est juste des personnes différentes. C'est abusé quand tu mates la situation, le podium de leur vie, c'est les amis, les meufs et la famille, c'est bidon. Ils ont leur petit monde de créer dans leur tête de con. Avec l'âge, il va s'effondrer, pour l'instant, ils ont la tête dans le cul. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères, t'as le temps de les voir. Les petits gamins ont trop pris la confiance, se prennent trop pour des grands. Ce ne sont que les petits cons, en ont-ils conscience? Jouer au plus malin ne mène nulle part. La vie des grands est difficile, les mères, t'as le temps de les voir. Les mères t'as le temps de les voir.